avait un goût d'innocence. J'aurais pas dû serrer si fort. Maintenant, l'aile de la mort fait comme un trou dans le silence. Elle avait le cou si fragile que même les oiseaux moqueurs la prenaient pour une des leurs. Je sens le regard immobile qui bat dans la nuit comme un cœur. J'ai vu passer comme un nuage quand mes mains se sont refermées. Puis son regard s'est retourné pour se figer comme une image. Je l'ai cueillie dans le soir louche pour la coucher dans mon jardin. Parfois je sens qu'il me revient comme un goût de sang dans la bouche. Je suis seul à l'aimer enfin. Je lui serai toujours fidèle, et quand l'automne sonnera, j'irai chercher entre ses bras ma destinée tendre et cruelle. En attendant que refleurissent l'amour et le coquelicot, sur son lit ou comme un corbeau, je vais mordre la cicatrice pour m'envelopper de son eau. Mes amis m'ont fermé leurs portes, comme on ne comprend pas toujours. Quand on ne connaît pas l'amour et que le diable les emporte. Elle avait le cou si fragile, j'aurais pas dû serrer si fort. Parfois, lorsque j'y pense encore, je pleure comme un imbécile en serrant mes pauvres trésors. Et là, tranquille, je m'endors.